ces distances, c'est pas inséparable comme Chanel Coco. Comme Chanel Coco. J'pense que j'suis juste pas prêt à changer de vie maintenant. Là j'suis trop dans ma fast life, Miami les pipes. J'dis que j'aime trop la fame et vive pour les caméras. Encore tu peux encore rêver pour elle. Dis-moi, ce que tu veux qu'on cesse tomber. Dis-moi, ce que tu veux me laisser tomber. Tu sais très bien, la boss c'est que you and me. Quand nous deux on est. J'ai pas ce que tu m'as fait, j'me reconnais plus. T'étais mon âme, ça aujourd'hui j'te reconnais plus. J'suis dans le mal, j'ai trop d'ennui. J'endors plus, j'fais de l'insomnie. Dans ma tête, c'est la folie. J'pense qu'à elle, ça jour et nuit. Si elle apprend mon train de vie, c'est sûr entre elle et moi c'est d'elle. J'rigole, elle va rester cette bête. Elle aime quand j'roule en bête. Moi j't'ai qu'elle dans mon scoop et avec moi t'es plus belle. Même tes ex peuvent pas douter. Dans tous les domaines t'es doué. Je sais que tu mets dans un thème quand tu tournes terrain. Tout l'entourage est trop dégoûté. Viens on profite du moment, on réfléchira demain. J'sais pas ce que tu m'as fait, j'me reconnais plus. T'étais mon âme, ça aujourd'hui j'te reconnais plus. J'suis dans le mal, j'ai trop d'ennui. J'entends plus, j'fais de l'insomnie. Dans ma tête, c'est la folie. J'pense qu'à elle, c'est un jour et une nuit. Je vais faire mal au rein. Mal au cœur, elle peut pas m'arnaquer. Elle a vu ce que j'ai mis sous la norac. Normalement elle peut pas paniquer. Elle veut qu'on fasse tout tout de suite maintenant. J'suis comme dans une course poursuite. C'est la même, y'aura même pas de suite. J'prends la fuite maintenant. Je dis R si ça fuite, c'est la merde, c'est la merde. Les talons marrent en cuir en chocolat. Elle sait comment faire mais j'prends sur moi. Elle veut un autre, j'y crois d'isolola. Elle est en roulis plein. J'sais pas ce que tu m'as fait, j'me reconnais plus. T'étais mon âme, ça aujourd'hui j'te reconnais plus. J'suis dans le mal, j'ai trop d'ennui. J'endors plus, j'fais de l'insomnie. Dans ma tête, c'est la folie. J'pense qu'à elle, un jour